الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous continuons notre explication et l'exégèse de sourate Qaf que l'on avait commencé la semaine dernière, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite comment ceux qui n'ont pas cru en lui ont traité le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur et n'ont pas cru à sa révélation sallallahu alayhi wa sallam, de même que ceux qui n'ont pas cru en Allah ne croient pas au jour de la résurrection, ne croient pas qu'il viendra un jour où tout le monde sera ressuscité et tout le monde sortira de leur tombe pour être jugé devant le Seigneur de l'univers. De même qu'ils ont traité de mensonges et n'ont pas cru en la révélation qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité même. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait cité ces mensonges de la part des non-musulmans envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers la résurrection et envers le Coran, Allah azza wa jal a cité des preuves qui montrent sans aucun doute que la résurrection est vraie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses et rien ne l'affaiblit subhanahu wa ta'ala. Il a donc cité des preuves concrètes, des preuves que ces personnes qui renient toutes ces choses voient de leurs propres yeux et touchent avec leurs mains. Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils donc pas vu le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti? Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'ont-ils pas vu, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en ces choses précédemment citées, n'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti? Qui a bâti ces cieux? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans une autre version, dans une autre sourate: le ciel, nous l'avons construit par notre puissance et nous l'étendons, et la terre, nous l'avons étendue et parfaitement nivelée. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux. Ceux qui renient, ne regardent-ils pas le ciel au-dessus d'eux? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: le ciel au-dessus d'eux. Car une chose élevée a pour habitude de reposer sur des piliers, a pour habitude d'être posée sur des murs, sur des choses qui la soutiennent. Où sont les piliers des cieux? Qui soutient ce ciel immense, qui est illimité? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran: Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: Allah retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'affaissent pas. C'est Allah azza wa jal qui retient ce ciel et cette terre afin qu'ils ne s'affaissent pas. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant du ciel: il retient le ciel de tomber sur la terre, sauf lorsqu'il le permettra. Allah azza wa jal, c'est lui qui soutient ce ciel et ses cieux, afin que ses cieux ne tombent pas sur la terre, sauf le jour où Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Ne voit-il pas, ceux qui ne croient pas en Allah, que ses cieux tiennent sans pilier visible? Comment nous l'avons bâti? Qui a bâti ces cieux qui n'ont pas de limites, qui ne s'arrêtent pas? Quelqu'un a-t-il pris le ciel en trouvant une extrémité de ce ciel? Non. N'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux? Comment nous l'avons bâti et embelli? Allah subhanahu wa ta'ala a aussi embelli ce ciel, l'a embelli par les étoiles, l'a embelli par le soleil et la lune. Et comment? Il est sans fissure. N'ont-ils pas regardé comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces cieux? Comment les a-t-il bâtis et embellis? Et comment ces cieux ne comportent pas de fissure? La création d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite. Elle ne comporte pas de défauts. Ainsi Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Mulk, dans Surat La Royauté, celui qui a créé les sept cieux superposés, sans que tu ne vois de distorsion dans la création. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, ramène sur elle le regard, c'est-à-dire regarde encore une fois le ciel. Vois-tu une brèche? Et regarde encore une deuxième fois, et ton regard reviendra humilié et frustré. Regarde, toi qui ne crois pas en Allah Azza wa Jal, regarde le ciel, essaie de trouver une brèche, essaie de trouver une fissure, essaie de trouver une malformation, regarde une fois, deux fois, trois fois, autant que tu le veux, ton regard reviendra vers toi, humilié, c'est-à-dire humilié de ne pas avoir trouvé de défaut, et frustré à l'idée d'en trouver une. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé ainsi des cieux, de la création, des créations qui sont élevées. Puis Allah Azza wa Jalla a parlé de la terre. وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا. Et la terre, nous l'avons étendue. Allah subhanahu wa ta'ala a étendu cette terre pour les gens et a fait de cette terre un tapis pour les gens et pour les animaux. Un tapis sur lequel ils marchent, ils courent et voyagent. Quelqu'un a-t-il trouvé une extrémité à la terre? Personne. Allah subhanahu wa ta'ala l'a étendue afin que les gens y vivent convenablement. Et nous y avons enfoncé dans cette terre des encres qui ne sont que les montagnes. Allah subhanahu wa ta'ala a pris les montagnes comme des encres pour la terre, car la terre, la planète Terre, est constituée d'un quart, de trois quarts d'eau et le reste de terre. Il faut donc l'ancrer pour ne pas que cette terre soit emmenée et déplacée par les mouvements marins et par les fortes vagues. Ceci, Allah Azza wa Jal l'a fait avec les montagnes. Les montagnes sont donc des signes parmi les signes d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal dit, et nous y avons fait pousser toutes sortes de magnifiques couples de végétaux. Allah Azza wa Jal a fait pousser sur cette terre différentes sortes de végétation qui sont belles à voir, qui sont magnifiques à voir. Regarde les jardins. Regarde les jardins pendant le printemps. Regarde les fleurs, leur diversité, leurs couleurs. Regarde à quel point cela est magnifique et est un délice pour les yeux. Malgré que la terre est une et que l'eau est une, parmi les signes d'Allah Azza wa Jal, c'est que la terre est une, que l'eau est une, mais que ce qui pousse et ce qui sort de cette terre est multiple. Les couleurs sont multiples, les sortes sont multiples, les goûts sont multiples, les odeurs sont multiples, malgré que la terre et l'eau ne sont qu'un. Allah Azza wa Jal a embelli la terre et a embelli les cieux. Pourquoi? À titre de clairvoyance et un rappel pour tout serviteur repentant. Ceci afin que l'être humain raisonne, que ce soit une chose claire et évidente à ses yeux, et surtout un rappel pour le serviteur repentant, c'est-à-dire celui qui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui délaisse le faux pour accourir vers le vrai, et celui qui admet les signes d'Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui s'ostente, celui qui ferme les yeux malgré qu'ils soient ouverts, il n'y a pas de bien en lui. Le rappel est donc et uniquement pour les personnes repentantes. Puis Allah Azza wa Jal dit, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Et nous avons fait descendre du ciel une eau bénie avec laquelle nous y font, avec laquelle nous avons fait pousser des jardins et le grain qu'on moissonne. Allah Azza wa Jal a fait descendre des cieux de l'eau bénie qui est la pluie. Et Allah Azza wa Jal fait descendre cette pluie goutte par goutte et ne la fait pas descendre en une seule fois car les catastrophes seraient immenses. Qui disperse cette pluie? Qui fait en sorte qu'elle tombe sur cette terre goutte par goutte? Et qui fait en sorte que cette pluie tombe dans un endroit sans tomber dans un autre? Et qui fait en sorte que cette pluie tombe dans une période et ne tombe pas dans une autre. Celui qui fait descendre la pluie, c'est Allah Azza wa Jal. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, et nous ne le faisons descendre que dans une mesure déterminée. Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie du ciel de façon calculée et bien déterminée. Nous avons fait descendre du ciel une eau bénie. L'eau de la pluie est une eau bénie. Et la bénédiction, c'est la persévérance dans le bien. Cette eau, c'est-à-dire l'eau de la pluie, est donc un bien immense. Parmi ces biens, c'est que cette eau alimente les arbres, remplit les puits, et de cette eau boivent les êtres humains ainsi que leurs bestiaux. Il a été rapporté dans le Sahih Muslim et dans Sunan Abi Dawud, selon Anas ibn Malik radiallahu an, lorsqu'il dit: une pluie nous a touchés alors que nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc sorti et a enlevé certains de ses vêtements pour que l'eau de la pluie atteigne son corps sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit: ô envoyé d'Allah, pourquoi tu fais cela? Il a dit: car la pluie est venue il n'y a pas si longtemps d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette pluie, et que cette pluie est une miséricorde, et qu'elle a été créée très récemment par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc autorisé aux musulmans de considérer l'eau de la pluie comme étant bénie, et lorsqu'il y a un temps de pluie, de découvrir sa tête ou autre partie de son corps afin que cette eau l'atteigne. Pour preuve de ce hadith, comme je le rappelle, qui est authentique et rapporté dans le Sahih Muslim. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Et Allah Azza wa Jal a fait pousser de cette eau des jardins et des grains qu'on moissonne. Des grains qu'on moissonne, qui sont par exemple le blé, qui sont le riz, qui sont le froment et tout autre céréale, ainsi que les hauts palmiers aux dattes superposées. Et de cette eau également poussent de la terre des palmiers qui ont des hautes branches, un palmier qui est, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité et l'a décrit dans le Coran, un arbre bon. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'exemple d'une parole bonne comme d'un arbre bon? Et l'arbre bon n'est autre que le palmier. Quant à l'olivier, c'est un arbre béni, comme Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran, min shajaratin mubarakatin zaytuna, d'un arbre béni qui est l'olivier. Wal-nakhla basiqat, et des hauts palmiers qui sortent de cette eau, ou qui sortent de la terre, après qu'elle ait été atteinte par l'eau de la pluie. Un palmier qui commence tout petit, et qui grandit jusqu'à atteindre des hauteurs impressionnantes, et dans ces hauteurs, des grappes de dattes superposées se forment, les dattes les unes au-dessus des autres, et chacune de ces dattes est alimentée par cette terre. Ceci n'est-il pas un signe de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci n'est-il pas un signe de la force d'Allah Azza wa Jal et qu'il est capable de toutes choses? Rizqa lil'ibad. Puis Allah a dit, pourquoi, a donné l'explication, pourquoi est-ce que la terre fait pousser ces choses, ces arbres et ces grains que l'on moissonne? Rizqa lil'ibad. Substance comme substance pour les serviteurs. وَحِيْنَا بِهِ بَلَّةً مَيْتًا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de la pluie: et par elle, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Par cette pluie, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire revivre une terre morte, une terre aride, dénudée de toute végétation, dénudée de tout arbre. Il suffit que l'eau de la pluie tombe sur elle pour que, quelques jours après, la végétation commence à pousser. Kazalik al-Khuruj, ainsi se fera la résurrection. Ainsi se fera la résurrection. Celui qui est capable de faire revivre une terre morte et aride est capable de faire ressortir les morts de leur tombe le jour du jugement et de les juger. Cela est plus que facile pour Allah Azza wa Jal. Mais où sont la raison? Où est la raison? Où ce sont qui se prétendent des intellectuels, ceux qui se prétendent être des penseurs, etc., etc., ne raisonnent-ils pas dans ces signes évidents que l'on voit tous les jours de nos propres yeux? Ne raisonnent-ils pas dans ces signes et se rabaissent et s'humilient devant Allah subhanahu wa ta'ala en croyant en lui, en ne l'adorant seul sans ne rien lui associer, en attestant que Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien son envoyé et en attestant que le Coran est la parole d'Allah azza wa jal sans aucun doute.